terre. Trop jeunes peuvent éclore. Viennent alors les remords. Les filles qu'on enflamme quand elles deviennent femmes, leurs petits seins se fanent. S'enchaînent et se bousculent. On ne prend pas le temps du recul. Toutes ces vies qu'on bousille semble si futile. On voit sur certaines peaux du chagrin. Tous ces actes manqués de son, que prétexte à sourire. Tous ces actes manqués de son,